C'était un début de semaine, comme tous les débuts de semaine. J'attendais en bas au café, un collègue qui devait m'emmener taper. Mais pour ce jour va y avoir mal d'homme, pourvu que mon pote me pardonne. Car je viens de réaliser qu'une charmante demoiselle me fixait. Alors je prends mon courage à deux mains, je me lève afin d'aller lui parler. Je lui dis bonjour, ça va bien, elle me répond oui c'est bon, la conversation est lancée. Le charme fait le reste et j'essaie de me détendre. En tout cas on a l'air de bien s'entendre. Le lundi, j'apprends seulement à la connaître. La vie, sans le désir qui commence à naître. Le lundi, fais des folioles toute la nuit. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche aussi. Le lundi, j'apprends seulement à la connaître. La vie, sans le désir qui commence à naître. Le lundi, fais des folioles toute la nuit. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche aussi. Le jour d'après, à la même heure, je la revois, quel bonheur. Ça me met de bonne humeur. Sa présence réchauffe mon cœur. Plus j'apprends à la connaître, plus je me dis que c'est une femme avec qui je peux être. Pour être totalement honnête, je l'ai su dès le premier regard. Les yeux plongés dans les siens, je ne pense plus à rien. C'est comme si Cupid m'avait atteint d'une flèche en plein cœur. Les yeux plongés dans les siens, je ne pense plus à rien. C'est peut-être les prémices d'une belle histoire. Ah, le lundi, j'apprends seulement à la connaître. La vie, sans le désir qui commence à naître. Le lundi, fais des folioles toute la nuit. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche aussi. La vie, j'apprends seulement à la connaître. La vie, sans le désir qui commence à naître. Le lundi, fais des folioles toute la nuit. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche aussi. C'est parti pour notre premier vrai rendez-vous. Elle s'est fait jolie, à coup sûr elle vous rendrez-vous. Si c'était pour la vie, croyez-moi je me dévoue. Je me moque de votre avis car l'avenir est à nous. L'important c'est qu'elle me plaise et que je me sente bien à ses côtés. Je l'aime ne vous en déplaise, je passerai des heures à l'écouter. Mais pour le moment, c'est votre projet. Je compte subtilement de me rapprocher. Je sens que l'envie est à son apogée. Elle a pas l'air de me le reprocher. Et au moment de la ramener, elle me propose gentiment de monter. Je sais où ça va nous emmener, bien qu'à son petit regard éhonté. J'apprends seulement à la connaître. La vie, je sens le désir qui commence à naître. Je fais des folioles toute la nuit. Je vis en plus sa vie et mon choix. La vie, j'apprends seulement à la connaître. La vie, je sens le désir qui commence à naître. Je fais des folioles toute la nuit. Je vis en plus sa vie et mon choix. J'apprends seulement à la connaître. La vie, je sens le désir qui commence à naître.